Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, du cinéphile au documentariste. Rencontre avec William Carell. Putting a man on the moon as part of a great national effort. Captain America, je suis très flatté que vous ayez pensé à moi. Nous sommes déterminés à reprendre notre pays. Nous allons remplir la promesse de Donald Trump. Les citoyens américains se préparent à accueillir leur nouveau président. Then it's time for new leadership for the United States of America. Et à votre gauche, voici maintenant les fameux bâtiments de Watergate. Il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en jeu, excepté le premier amendement de la Constitution, les droits de l'homme, la liberté de la presse et peut-être même l'avenir des États-Unis. Et soudain, tous ces poids lourds de la politique se sont télescopés, comme des trains qui se percutent à toute vitesse. This is America, and we will not allow any terrorist to threaten civilization with weapons of mass murder. William Carell, vous avez eu, au fond, le bon réflexe de vous poster à un endroit qu'on pourrait appeler une sorte de belvédère, c'est-à-dire qu'on peut observer un paysage sur un large angle. Le fait de pouvoir observer une administration ou une suite d'administrations depuis, disons, Truman jusqu'à au plus loin possible, en l'occurrence Clinton, puisque vous le tournez à cette époque-là, ça vous permet quand même d'observer sur de l'assez longue durée. Le savoir-faire dans le domaine de la gestion de crise, c'est une question qui va se poser la plupart du temps pour presque toutes les administrations qui vont succéder. Il n'y a pas une administration américaine qui ne va pas connaître une crise plus ou moins majeure. Dans ce domaine-là, est-ce que vous avez compris, ressenti que d'administration en administration, on faisait attention à ce qui s'était passé auparavant, on tenait compte des erreurs du passé, où il y a un phénomène d'amnésie majeure. Dès l'instant que le nouveau président arrive et les nouveaux conseillers arrivent et s'assoient dans le bureau à la place de ceux qui y étaient avant, on gomme tout, on oublie tout et on recommence, on fait tabula rasa. Oui, moi je crois aussi qu'ils ne tiennent absolument aucun compte de l'histoire du passé. On dit toujours que l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Mais dans le film, il y a l'histoire sur le pouvoir des conseillers, sur la crise au moment de la guerre du Kippour, où Nixon est absolument dans l'incapacité de prendre la décision de mettre les forces en alerte et parce qu'il est ivre. Ils vont aller le voir. Ça aussi, c'est les conseillers français où ne vous raconterez jamais une histoire pareille. Ils décident de mettre les forces en alerte. Ils vont voir Nixon parce qu'il est obligé de donner l'ordre et lui connaît qu'il doit signer. Il est ivre sur la moquette et il n'arrive pas à le réveiller. Il signe à sa place. Ils lui font signer le lendemain matin. C'est un truc dément. Et surtout, aussi bien les gens de la CIA, je sais plus si dans ce film-là, que du FBI, ont reproché le désintérêt complet de Clinton sur la CIA au moment où il y a le premier attentat, 20 jours après son arrivée au pouvoir. Avant le premier attentat au World Trade Center. Exactement. Il prend ça totalement à la légère et ça lui semble... Ce qui l'intéresse, lui, c'est qui couche avec qui. Oui, vous pensez au celui qu'on appelait le porteur de mauvaises nouvelles. Voilà. Oui, le putois de Garden Party. Oui, il faisait venir le directeur de la CIA pour avoir quelques potins. Il était obsédé par les maîtresses de Mitterrand. Mais c'était un désintérêt total. Moi, on m'a reproché aussi, justement à la fin de cette série, de critiquer. C'est pas moi qui le fais. En plus, le commentaire ne prend jamais position. Moi, le commentaire donne des chiffres, fait avancer l'histoire. Ce sont des témoins. D'avoir dit que Clinton était aussi corrompu que les autres, qui vendait n'importe quoi pour avoir des sous. Sa vie sexuelle, ça ne m'intéresse pas, mais le fait que vous pouviez dormir dans le lit de Lincoln Bell à la Maison Blanche pour $300,000, il vous emmenait faire un tour dans l'avion Air Force One, qu'il ne travaillait pas sérieusement, qu'il ne lisait aucun dossier, même si c'était un bon président. Je vois pas pourquoi on devait escamoter tous ses défauts. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs avec vous, William Carell, essayer au travers de quelques exemples de raconter un peu ce que c'est qu'un président des États-Unis? Nul doute que tout au long du XXe siècle, en tout cas c'est évident à partir de Roosevelt, la figure du président des États-Unis est plus ou moins attachée à l'homme le plus important du monde, à peu de choses près. C'est peut-être des choses qui seront appelées à évoluer. Alors à partir, disons, d'un Truman plutôt nettement effacé au regard de son prédécesseur, jusqu'à Clinton, et on peut inclure également celui qui n'est pas dedans, en l'occurrence Bush, est-ce qu'il y a une unité? On a plutôt tendance à penser qu'il y a une incroyable discontinuité d'un président à l'autre. Est-ce qu'il y a malgré tout des traits communs, des choses qui sont pas forcément visibles immédiatement, mais qui pourraient être une des caractéristiques, une des constantes du président des États-Unis? Je ne sais pas, je ne suis ni historien ni politologue. Je sais que pendant des années, on nous disait qu'il n'y avait pas une si grande différence aux États-Unis. Vous aviez le choix entre un républicain et un démocrate et que c'était pas, la différence n'était pas énorme. On se rend compte aujourd'hui que c'était totalement faux et que c'est vraiment deux mondes différents. Oui, mais alors là, vous nous renvoyez à la dimension politique. J'allais presque vous dire, oui, mais du côté des humains, même si en l'occurrence, tiens, pourquoi d'ailleurs les présidents ne sont pas dans le film? C'est parce que c'était les conseillers. C'était les conseillers, en plus, je n'ai pas eu, à part Jimmy Carter dans le Israël-Palestine, sur l'accord avec Sadat, j'ai jamais rencontré de président, même si je suis toujours fasciné. Quand j'arrive à la Maison-Blanche ou dans les couloirs de la CIA, c'est comme si je tournais à Hollywood. Vraiment, j'adore ça, je pourrais passer. Washington, que je connais comme ma poche, c'est comme un gamin qui sait un jouet exceptionnel. Par exemple, quand on tournait sur la CIA et on ne traitait pas la partie Clinton, vous savez, on a le droit de filmer le bureau Oval et la Maison Blanche quand le président n'y est pas, sinon vous n'avez pas accès. Donc on attendait que Clinton parte pour aller filmer. Et puis un jour, on n'avait pas besoin de Clinton. Ils nous ont dit que le président partait pour une journée. Est-ce que vous voulez le suivre sans filmer? On est parti en courant pour aller avec les escortes et les trucs, aller le voir faire ses meetings et tout ça. C'est une fascination. Alors, je reviens à ma question. Est-ce que, d'une manière générale, ça travaille? Est-ce que la majorité est plutôt... je suis arrivé au sommet, maintenant je peux laisser travailler les autres. Enfin, voilà. Est-ce que le président des États-Unis est un homme qui doit travailler énormément? Ou est-ce qu'il a pour lui une formidable fourmilière qui travaille beaucoup pour lui? Je pense que ça doit changer en fonction des présidents, j'imagine. Un bosseur, donnez-moi un bosseur. Un président bosseur. Ouais. Bush père, peut-être. Un bosseur, lui? Non, pas du tout, mais ses conseillers bossaient beaucoup. Ah, voilà. Alors, Kennedy, non. Gros bosseur? Non plus. On va y arriver. Clinton, ouais. Apparemment pas. Comme gros bosseur, mais il n'est pas resté longtemps. Johnson. Ses conseillers nous ont dit qu'il travaillait énormément. Carter, mais malheureusement, pure perte. Il passait sa vie. Alors, c'est un laborieux, alors, Carter. Peut-être. Ça. Mais sans succès, il était détesté. Peut-être à tort, mais lui travaillait toutes les photos. On n'a aucune photo de lui, à part les premières au début, avant qu'il soit président, où on le voyait pêcher. Qui sont moyennement flatteuses, hein, globalement, les photos. Oui. En général, enfin, je veux dire, vis-à-vis de sa personne. Oui, mais après, le malheureux passait, je crois, 24 heures par jour. Il n'a jamais quitté le bureau Oval et la Maison Blanche. Il a entièrement sacrifié et sa vie et pendant 4 ans. Alors, on va essayer d'en trouver un autre qui travaille énormément. Eisenhower. Mais vous l'avez pas fait, Eisenhower. Non, vous l'avez évidemment pas connu, bien sûr. Mais oui. Vous allez directement sur Truman. Et oui. Puis, de toute façon, Truman. Oui. Alors, Truman, où il était plutôt aussi. Un bosseur, oui. Hein. Autodidacte, on en reçoit. Autodidacte, oui. Marchand de chemise. Marchand de chemise, oui. Oui. Alors, ça, c'est quoi? C'est le rêve américain. Parfait, oui. Parfait. Enfin, marchand vendeur de chemises, disons. We interrupt this program to bring you a special news. President Roosevelt is dead. Le 12 avril 1945, Truman, choisi 6 mois plus tôt par le président Roosevelt uniquement parce qu'il voulait à ses côtés comme vice-président quelqu'un de terne, d'effacé, qui ne lui porta pas ombrage, est appelé d'urgence à la Maison Blanche. Roosevelt vient de mourir d'une hémorragie cérébrale. Tous les conseillers du président l'attendent dans le bureau ovale. Timidement, Truman demande « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour vous, monsieur le président? Répondent en chœur les hommes de Roosevelt. Ce décès soudain venait de propulser Truman à l'avant-scène, à plus de 60 ans, sans qu'il n'ait jamais convoité le poste, et pour au moins 4 ans. À la Maison-Blanche, on le surnomme le président par hasard. Roosevelt, qui l'ignorait complètement, ne lui avait confié aucune tâche, ne l'avait initié à aucun secret d'État. Il n'avait pas avec lui le moindre échange de vues, ne l'avait même pas rencontré à son retour de Yalta. Truman était là pour organiser les dîners, recevoir les visiteurs ou serrer les mains. Rien ni personne ne l'avait préparé à cette tâche. C'est Roosevelt qui dirigeait seul la politique étrangère des États-Unis. Il était à la fois chef d'État, chef de l'exécutif, de la diplomatie et commandant en chef des armées. Truman rompt avec cette méthode et cesse de concentrer tout le pouvoir entre les mains du président. Un véritable réseau est créé en quelques mois. Le secrétaire d'État y tient une place primordiale. Un nouveau poste majeur voit le jour, celui de secrétaire à la Défense, qui s'installe au Pentagone. Truman crée également la CIA, l'agence centrale de renseignement. Enfin, pièce maîtresse du dispositif, coiffant le tout, le NSC, le Conseil de sécurité nationale fait son apparition. C'est un état dans l'état. Harry Truman venait de mettre en place un système qui dure depuis 50 ans. William Carell, dans ses Hommes de la Maison Blanche, il est assez frappant de voir à quel point, on en a un tout petit peu parlé, déjà la concurrence du type la maîtresse qui va être la plus regardée par le sultan, mais ça permet aussi aux États-Unis d'avancer assez intelligemment masqué en tenant toujours un langage bicéphale. Il y a un double langage, une partie faucon et puis l'autre qui est colombe. Alors est-ce que c'est une constante que vous relevez sur la plupart des administrations? Est-ce que d'ailleurs ça fait peut-être même partie des obligations de casting? Ma réponse est brève, mais je pense que oui, je vois pas. Et vous, vous pensez pas? Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai aucune malignité, au contraire de vous, vous l'avez débusqué. Cette, non, pas du tout, malgré les apparences. Non, je crois pas. Quelle serait, alors on va le dire autrement peut-être, est-ce qu'il y a eu une administration qui a fait preuve, et notamment non seulement dans les actes durant le mandat politique, mais après coup d'ailleurs, dans les témoignages qu'ils ont pu vous apporter, d'une assez grande homogénéité? Par exemple, du temps de Carter, est-ce que l'administration du temps de Carter est une administration homogène? Et je vois à votre haussement de sourcil qu'elle vous est en train de me dire, non, c'était plutôt... La pire. Ils ont passé tout le monde, aussi bien les secrétaires d'État que les conseillers, se haïssaient. C'est la seule présidence où... Ils ne se parlaient même pas entre conseiller du président Brzezinski, qui était au NSC, et Cyrus Vance aux affaires étrangères, Brown, tout le monde se haïssait, ne se parlait pas. Les exemples qu'on donnait de conseil des ministres, où ils ne s'adressaient pas l'un à l'autre. C'était la pire administration comme entente entre conseiller et ministre. Alors là, précisément, est-ce que dans ces cas-là, c'est aussi, vous le connaissez pour d'autres raisons, quand on réunit de fortes personnalités, c'est en général nécessaire quand on fait une fiction, les comédiens, certains peuvent avoir, non pas forcément une grosse tête, mais une grosse personnalité. Est-ce que là, en l'occurrence, du fait que le chef Jimmy Carter n'en était pas un véritablement, c'est-à-dire pas totalement homme à poigne, a pu jouer considérablement? Bien sûr, ils ont profité de sa mollesse, entre guillemets, ou faiblesse, pour se déchirer. Sinon, même Nixon, qui était un vrai truand, il arrivait à tenir toute l'équipe, et ils se détestaient entre eux, tout ça. Mais ils ont profité de la faiblesse de Carter pour se déchirer entre eux. La Maison Blanche est toujours un panier de crabes. Les gens s'y montrent agressifs, arrivistes. Certains sont rusés, d'autres ne le sont pas. Richard Pearl. Certains connaissent leurs responsabilités, d'autres pas. Certains ont un tempérament agressif, d'autres moins. Faire partie du cercle fermé de la Maison Blanche, Robert McFarlane, procure bien plus de pouvoir qu'on ne l'imagine. Un pouvoir que beaucoup défendent d'ailleurs très jalousement. Alexander Haig. La Maison Blanche attire des personnalités d'une ambition phénoménale. Les hommes et les femmes qui travaillent là sont en général extrêmement ambitieux. Il serait surprenant d'arriver à réunir un cabinet dont tous les membres se tiendraient les coudes. Caspar Weinberger. Ils ne manifesteraient ni intérêt ni ambition à titre personnel. Alexander Haig. Nous avons eu des problèmes parce que l'équipe avait, selon moi, trop d'autorité. Et le président pas assez. En tout cas, pas dans la gestion des affaires au jour le jour. Ce qui veut dire que M. Weinberger pouvait se mêler des affaires étrangères et le général Haig des affaires du département de la défense. Ce n'est pas une bonne chose. Il y avait tout le temps des conflits. Caspar Weinberger. Que Haig ne cherchait généralement pas à résoudre de façon diplomatique. attempt at conciliation. On peut peut-être parler, parce qu'on n'en a pas dit un mot, de ce qu'aura été l'époque Kennedy, parce que c'est quand même un cas à part. Il y a deux frangins, et pas les moindres, qui se trouvent réunis pendant peu de temps, puisque le mandat de Kennedy sera quand même d'assez courte durée. Est-ce que ça donne un reflet et une tonalité exceptionnelle par rapport à l'ensemble des administrations américaines ? Exceptionnelle, je ne sais pas, en tout cas différente sur le fait que deux frères... Mais je sais pas, c'est pas pour refaire une obsession sur l'assassinat de Kennedy, mais Bob Kennedy, et j'ai rencontré Alpern qui était chargé du dossier, Alpern de la CIA, qui disait que Bob Kennedy était certain et persuadé que c'est la CIA qui avait fait supprimer son frère. Donc je réponds pas directement à votre question, mais il s'entendait pas très bien. Et pour Bob Kennedy, vous avez été aussi... Pour l'assassinat de Bob Kennedy, je ne sais pas, c'est resté un mystère aussi. Mais pour vous, ça a été aussi une envie de travailler dessus Non, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est une histoire aussi intéressante. Mais enfin, disons, il y a un assassin qui est toujours en prison, on ne connaît pas, toujours pas ses motifs. Le fait qu'il était soi-disant palestinien, je ne sais pas, c'est une histoire très confuse. Et sur la personnalité de Bob Kennedy, sa métamorphose, puisqu'on avait eu l'occasion de faire une histoire vivante là-dessus, c'est assez étonnant de voir comment ce personnage, au départ un peu dans l'ombre de son frère, Bob Kennedy était un peu falot dans son premier temps, et puis qui va, au fur et à mesure du temps où il se présente comme candidat, apparaître dans presque une démesure christique, à certains moments, n'hésitant pas à monter contre la vie de ses gardes du corps sur les véhicules, de toucher des mains. Enfin, c'est un personnage qui se métamorphose au contact physique de la politique. Complètement, jusqu'aux dernières images qu'on connaît de lui dans cet hôtel avant qu'il soit assassiné. Signé André Gazu, un réalisateur suisse. Ah oui, oui. Les images... Absolument. Ah bon, je ne savais pas. Je ne savais pas. Oui, effectivement, je pense que ça aurait été un excellent président. C'est une tragédie, cette disparition. Il était certain d'être élu. En plus, Johnson s'était retiré de la course. Comme quoi, ça a changé doublement le cours de l'histoire. Très bien, William Carrel, on reste sur ce moment. Et puis, vous l'avez bien compris, vous qui nous écoutez, vous avez une chose à faire, c'est d'aller rechercher très rapidement, le plus vite possible. Tiens d'ailleurs, ils sont sortis en DVD, ces Hommes de la Maison Blanche. Ils sont sortis en version de 7 heures, si ça vous amuse. Pour une fois en coffret, comme il y a une telle frustration chaque fois de couper très court, de rencontrer des gens et tout ça. Je l'avais fait sur le Montelongbouche. D'aller voir Norman Mailer qui vous parle de la situation des États-Unis et de garder 3 minutes alors qu'il avait parlé 1 heure, on a rajouté en bonus l'entretien. Et c'est l'avantage numéro 1 des DVD maintenant. Voilà, donc maintenant c'est paru et on peut aller dans la même maison d'édition que Carla Bruni. Mes compliments, Naïf. Alors, William Carrel, on va revenir à votre saga et je vais faire ce que faisait l'administration américaine en 1985. À partir du moment où elle a pu constater qu'il y avait infiniment trop de fuites, elle a soumis les collaborateurs aux détecteurs de mensonges. Ça, vous le saviez quand vous avez découvert la présence des détecteurs de mensonges ou la pratique, là, des détecteurs de mensonges à l'occasion d'un entretien? Entièrement découvert. Je savais même pas cette histoire. Pourtant, ça a vraiment remué les gens à l'intérieur de la Maison Blanche. C'est allé jusqu'à Schulz, a même proposé, a mis sa démission dans la balance et tout ça. Un des collaborateurs, le premier, m'a raconté cet épisode, disant que Reagan était devenu fou et qu'il avait décidé... Il y avait des fuites. Et l'histoire s'est développée. J'étais même pas sûr de la garder dans le film au départ. Et après, ça a pris tellement d'ampleur, ça avait tellement traumatisé tous les conseillers que je l'ai gardé. Alors, ce que vous dites là, c'est que au fond, vous venez avec d'autres questions, et puis tout d'un coup, dans l'entretien, il y a cette chose-là qui apparaît. Vous dites là, il y a quand même, il y a un fil à tirer. Vous tirez dessus. Et puis oui, toujours, y compris avec. McFarlane, que je suis allé voir, qui est dans le film. Robert McFarlane. Qui était du NSC. Que je suis allé voir pour l'Iran Gate, puisqu'il était à la tête, c'était les armes au Nicaragua, au Contras, envers les Contras. Exactement. Et, en parlant, on fait toujours une pause parce que, à l'époque, on fumait toujours pas, on fait une pause, et il m'a raconté sa guerre du Vietnam. Et en fin de compte, je ne savais même pas qu'il avait eu cette expérience. Et finalement, dans le film, il parle de 3 minutes de l'Iran Gate et 10 minutes du Vietnam. Et il s'est déchaîné sur McNamara, sur ce qu'il a vu. C'était un témoin parfait. On ne lui avait jamais posé une question sur le Vietnam. Donc forcément, ça change. Le film change. Non seulement les entretiens changent, et le film change. Revenons à cette histoire du détecteur de mensonges. En fait, vous nous dites, là, Reagan était exaspéré, il y avait des fuites dans tous les sens, la presse se nourrissait énormément de ces fuites, et puis un beau jour, il dit, bon, ben, maintenant, ça suffit. Alors, qui a l'idée, d'abord, on se rappelle de ça? Est-ce que c'est le président lui-même? Apparemment, c'est sa femme qui a eu l'idée, mais ça ne s'est, vous avez vu que ça ne s'est pas fait, finalement. Oui, enfin, ça ne s'est pas fait uniquement parce qu'il y a un qui a dit, si c'est ça, je m'en vais tout de suite, et il comptait tellement qu'on a commencé à dire, bon, on va exactement, peut-être calmer le jeu, quoi. Il a fait marche arrière et ça s'est plus jamais fait. Mais ça, sinon, ça se fait partout. J'ai même filmé un détecteur de mensonges à la CIA et tout ça. Là-bas, ça se passe tout le temps. C'est un objet qui est entré dans la vie courante, le détecteur de mensonges. Il y a une boutique qui s'appelle Spy à Washington. Vous pouvez acheter pour $1,000 un détecteur de mensonges. Ça vous amuse chez vous pour... Vous avez essayé, vous, l'appareil? Évidemment qu'on a essayé. On a filmé même dans cette boutique. On avait essayé, enfin, ça n'a strictement aucun intérêt dans l'entretien, mais ils vendaient aussi des défibrillateurs, vous savez, pour si vous avez une crise cardiaque, vous avez déjà vu dans les séries urgences, les deux fers à repasser qu'on vous met sur la poitrine. Ah oui, oui. Ils en vendaient à $500 qu'on pouvait brancher sur l'allume-cigare. Ouais, mais si ça m'excite moins que le détecteur de mensonges. Oui, vous l'avez testé. Je l'ai essayé. Et alors, vous êtes un bon menteur? Même en disant la vérité, donc ma réputation m'avait précédé, j'ai essayé en mentant et en disant la vérité. Dans les deux, on a dit que j'étais un menteur. Donc, $1,000, c'est une escroquerie. Mais je mens bien. So help me God. Congratulations. Thank you. George Bush succède à Ronald Reagan à la Maison Blanche. En retard sur son rival démocrate, il avait décidé d'axer sa campagne sur le serment au drapeau, le patriotisme, la prière à l'école, la lutte contre la criminalité et le laxisme dans les prisons. Le résultat fut spectaculaire. En quelques jours, il remonta dans les sondages et remporta l'élection par 53% des suffrages. It was George Bush who led the way. Someday their grandchildren will. William Carell, dans votre documentaire Homme de la Maison Blanche, l'un des candidats, l'un des présidents même sur lequel vous passez un peu de temps, c'est le candidat Bush père. Et faut-il le rappeler, le candidat Bush père, pas encore président, accuse pendant le temps de sa campagne un retard absolument formidable. Il est alors vice-président, donc il est un peu aux affaires, il doit pas tout à fait s'occuper suffisamment de sa campagne, et il va opérer un rattrapage absolument formidable. Et il va lancer des mots d'ordre assez instantanés. Alors, on vous les rappelez dans le documentaire, c'est serment d'arpeau, patriotisme, prière à l'école, lutte contre la criminalité, le laxisme dans les prisons, etc. Et on sent évidemment que derrière ces mots d'ordre, c'est toute une dimension des États-Unis qui résonne. Est-ce que vous avez le sentiment, pour avoir travaillé longtemps là-dessus, que ce capital d'électeurs reste toujours le même aujourd'hui, des années après? Est-ce que de ce point de vue-là, les États-Unis sont sensiblement répartis en deux couches un peu irréconciliables qui font la nature de l'électorat américain? Moi, il me semble, c'est vrai que ça paraît surprenant comme ça, mais il me semble que ces deux couches, si vous analysez toutes les élections américaines, le pourcentage entre les deux, Kennedy, j'en parle même pas, il est élu à 100 000 voix d'écart, Bush, c'était à une poignée de voix. Tout le temps, il y a eu une sorte de continuité. Il y a eu un petit, il y a eu 3% en plus pour Reagan, mais il y a toujours eu deux blocs comme ça qui sont restés identiques tout le temps et qui resteront peut-être sur cette élection. Un quasi-équilibre. Oui. Et pas uniquement, je sais pas si c'est uniquement aux États-Unis, puisqu'en France, j'ai regardé au même moment sur les 5 ou 6 élections et ça s'est toujours joué entre 52, 48. Il y a jamais eu de... Y a-t-il eu parfois des tentatives de coalition, de prendre par exemple un président républicain, vice-président démocrate ou vice-versa? Est-ce qu'il y a eu des idées comme ça qui ont parfois traversé l'esprit de certains pour essayer de peut-être de faire autrement? Non, mais il y a des conseillers qui sont restés d'un président à l'autre. Par exemple, Quant est resté. Le cas le plus flagrant, c'est Alexander Haig. Alexander Haig, futur commandant en chef de l'OTAN et secrétaire d'État, était conseiller militaire au Pentagone. Le président Kennedy n'aimait ni les réunions, ni les exposés du Conseil de sécurité, ni les longues discussions pour peser le pour et le contre. Il aimait que tout se décide très vite. Et comme il avait formé un gouvernement dans lequel il avait placé ses amis à tous les postes clés, lorsqu'il posait une question, il était sûr de toujours obtenir la réponse qu'il souhaitait entendre, puisque personne n'aurait jamais osé le contredire. Laissez-moi dire ceci à propos de Nancy Reagan. Parfois, l'autorité qu'elle exerçait me dérangeait. Non pas parce que c'était Nancy Reagan, mais parce qu'elle était influencée par Baker, qui avait un très fort ascendant sur elle. Elle jouissait d'un pouvoir très supérieur à la normale. Comme j'étais quelqu'un d'irritable et plutôt individualiste, Madame Reagan et Jim Baker ont tout fait pour se débarrasser de moi. Parlez-nous d'Alexander Haig, s'il vous plaît. Parce que alors lui, c'est un vrai personnage. Alors, il faut se le figurer un petit peu, parce que vous l'avez entendu au travers des différents extraits qu'on a passés, mais il faut se figurer un personnage, la peau extrêmement, on pourrait dire, un sanguin. Il pourrait avoir la peau d'un Irlandais, d'un personnage assez massif, des yeux bleus extrêmement pâles. On sent la colère ou le colérique. Voilà, c'est au bord du derme, on pourrait dire, avec ce gars-là. Oui, et lui parle au moins. Moi, c'est un de mes personnages préférés. Je vais le voir comme si j'allais voir un feuilleton. Et c'est vrai qu'il passe son temps à nous dire de couper la caméra. Je m'en suis servi dans le faux documentaire sur la Lune, où il dit tout le temps « je veux bien vous parler, mais off ». Mais vous pouvez l'écouter pendant des heures. Si vous avez aimé la série à la Maison Blanche, lui, il a été chief of staff de 5-6 présidents. Ministre des Affaires étrangères, il a été directeur de l'OTAN. Mais quand il est au sommet avec Reagan, il est ministre des Affaires étrangères. Il a commencé comme simple conseiller de Kennedy, et lui, quel que soit le président, qu'il soit démocrate ou républicain, il est là, il est toujours là. Il garde son poste. Il aura fait combien d'années à peu près au total? En tout, quelles que soient les fonctions, peut-être 30 ans. Ça paraît fou, c'est hein. C'est extraordinaire. Mais t'as les rangs boxe dans la cour des petits à côté. Mais oui. En tout cas, au moins 25 ans. Demain, nous retrouverons une dernière fois William Carell pour évoquer avec lui un de ses anciens documentaires intitulé « Opération Lune ». Oh.